Ouais, on connaissait pas trop, on savait juste qu'il était sérieux et solide, mais qu'il était un peu toxique quand même. Ouais. C'est quelqu'un qui adore League of Legends et du coup, c'est un passionné. Charismatique. C'est un mec en qui tu peux avoir confiance. En dehors du jeu et dans le jeu, tu sais qu'il va suivre l'école pour l'équipe. Franchement, je pense qu'il est très fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. En réalité, c'est un très bon mate. Il est un peu taquin, sportif, charismatique, beau gosse, beau parleur. Lune, il a une particularité de langage en fait. Typiquement, tu vois, genre une pizza, il te fait une pizza. Kebab, il appelle ça un kebab. Poivron, il appelle ça un poivre. Le ketchup, je crois qu'il appelle le ketch. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Push to Talk, le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle Croc, commentateur du jeu vidéo League of Legends, et comme chaque semaine, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e-sport francophones. Joueur, manager, coach, créateur d'équipe, l'idée pendant une heure, c'est de dépeindre le portrait de l'invité, de partager son histoire et d'en apprendre plus sur son environnement. Dans ce 9e épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un ancien joueur français de 26 ans. Il a commencé très jeune sa carrière et on y reviendra. Il occupe aujourd'hui le poste de manager de l'équipe LDLC. Salut Léo, salut Lounet, comment tu vas ? Ça va, merci, et toi ? Bah écoute, très bien, je suis content de t'avoir. J'ai commencé à regarder du League of Legends, entre autres en tombant sur tes streams, puis ensuite en tombant sur toi en compétition. Donc forcément, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui en invité. Évidemment, ce que je propose de faire à chaque fois, c'est que tu te présentes succinctement et après, on va revenir un peu sur qui était Léo avant Lounet, bien sûr. Bah, du coup, comme tu l'as dit, j'ai pas encore 26 ans, mais je les ai dans un mois. Oui, novembre. Je les ai dans un mois, du coup, le 19. Donc, je m'appelle Léo. Je suis sur LoL depuis presque le début du jeu, on va dire 2010. J'ai commencé à jouer. Ouais. Ensuite, j'ai fait une carrière, on peut appeler ça pro, jusqu'à 2015 à peu près. Et après, je me suis tourné vers le staff. Ensuite, j'ai fait 2-3 équipes en staff. Si ça te convient comme présentation. C'est très bien, c'est très bien. Évidemment, on reviendra sur cette partie carrière de joueur pro et puis ensuite dans le staff, avec les changements que ça implique. Mais avant, évidemment, je cherche toujours à savoir quel est le passé de l'invité, et un passé parfois sulfureux. Est-ce que toi, Léo, quand t'étais petit, t'étais plutôt la grande gueule, l'enfant calme, le lecteur, t'étais dans la campagne Poitevine, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, tu connais hein, du coup. Bien sûr. Parce que tu viens du même endroit. Moi, je suis né en région parisienne. Ouais. J'ai grandi jusqu'au CE1, du coup, dans le 78 à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Ouais. Voilà, le terminus du RER. Représente. Ensuite, donc mes parents ont décidé de changer de voie. Ils ont ouvert un bureau de tabac dans une petite ville de province, du coup, dans la Vienne, ouais. Près de Poitiers. Et donc, on est tous allés là-bas, ma sœur, moi et mes parents. Donc j'ai pris l'école là-bas, ensuite le collège pareil dans la même ville, et après comme il n'y avait pas le lycée où j'habitais, fallait que j'aille sur Poitiers, et c'est à partir de là où j'ai commencé le lycée à Poitiers, et puis après j'ai fait mon BTS. J'ai pas fait de pause entre le bac jusqu'au BTS, j'ai pas fait de pause quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, dans cette enfance là, t'es déjà bercé par les jeux vidéo ou pas trop? Ça arrive sur le tard, comment ça se passe? Ouais, en fait, mon père il jouait pas mal au PC. Après, j'étais on va dire que j'avais le droit à 30 minutes par jour avec lui. Ouais. Il jouait à des jeux genre Wolfenstein, Alerte Rouge, Warcraft 1, Prince of Persia, ce genre de jeux, tu vois, un peu. Ok. Et voilà, je jouais avec lui donc sur l'écran cathodique dans sa chambre, quoi. Bien sûr. Et non, j'ai toujours adoré ça, en fait. J'en voulais toujours plus. Après, franchement, j'étais pas addict, tu vois. Il me laissait pas trop jouer. Et j'ai aussi eu, on va dire, l'ADSL, tu vois, Internet, du coup, assez tard comparé à la plupart des gens. Je sais pas, j'ai dû l'avoir quand j'étais en 4e, 3e. Ouais. Par contre, dès que je l'ai eu, c'était parti, quoi. Là, on a lancé le Battle.net et on pouvait essayer de jouer. C'est ça. Je comprends. Et en fait, avant d'avoir Internet, je jouais pas mal à la Xbox. Ok. Xbox classique, la première. Du coup, voilà, les quelques références sur ces jeux-là, ça a été quoi pour toi? Sur Xbox? Ouais. Je jouais pas mal. Je jouais à genre Crazy sur PC. Sur Xbox, je jouais à beaucoup de jeux de sport. Ouais. Beaucoup de jeux de voiture aussi. J'étais assez passionné de voitures. Et par contre, j'ai jamais trop joué à des Call of et tout sur Xbox. Jouais surtout à des jeux de simulation. Ouais, de sport, musculation, ou... principalement, ouais. Et du coup, parfaite transition, puisque est-ce que tu faisais du sport à ce moment-là? Est-ce que tu faisais déjà un peu de compète? Parce que la compétition, tu vas la découvrir, sur... enfin, tu vas en tout cas la faire sur League of Legends, mais est-ce qu'avant, tu en as pu faire dans le sport? Dans le sport, j'en ai fait... Donc, j'ai fait du tennis de table. Ouais. Et par la suite, j'ai fait du volley. Donc, le volley, c'était... Enfin, j'étais vraiment là pour la compète parce que bah, dans ma famille, j'ai une famille de volleyeurs, en fait, où... Ouais. Certains ont été des assez grands athlètes, tu vois, même si c'était dans les années 80. Mmh. Et ben, ça a toujours été un peu une religion du côté de ma mère. Donc, j'ai fait du volley. J'en ai pas fait longtemps, mais voilà. En fait, dès que je faisais un sport, si tu veux, c'était vraiment pour travailler. Ouais, donc... Après, une fois que je me suis mis à jouer vraiment au PC, j'ai essayé le basket plus tard quand j'étais en lycée. Et enfin, j'étais une quiche, donc voilà. Je savais, tu vois, que c'était vraiment... C'est comme quand tu vois, tu me dis par exemple, ouais, jouer à Hearthstone, bah, je sais que sur le jeu, je serai claqué, mais je peux y jouer, mais ça sera pour le fun. Tu, vois. Mmh. Tu vas faire la différence. C'était pareil. Quoi. Ouais. Et alors, c'est à quel moment que tu découvres à ce moment-là League of Legends? T'es au lycée? C'est au moment où tu commences à arriver sur Poitiers? Qu'est-ce que c'est le. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, LoL, c'est sorti en 2009. Du coup, moi, j'ai commencé en 2010. Je crois que j'étais en terminale ou première, si je dis pas de bêtises. Et je m'y suis mis à jouer avec des potes à moi avec qui je jouais avant sur CS, ensuite sur COD, principalement Battlefield et tout ça quoi. Okay. Petit à petit en fait je me suis fait des potes, j'étais vraiment dans l'optique de monter toujours, enfin très compétitif. Mm-hmm. Donc je me suis fait des potes en fait qui étaient un peu plus elo, etc. etc. Et je suis monté comme ça, après j'ai commencé à tomber sur des Linak, des Altor, des gens comme ça en solo queue. Et puis bah, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, je suis au LO. Et puis après, à ce moment-là, bah, tu commences à faire des contacts, en fait, des mecs du même niveau à peu près. Et tu joues ensemble. Et voilà, les premières teams se montent comme ça. Hein. Exactement. C'est le tout début du jeu. Toi, tu vas monter assez, tu vas gravir, comme tu disais, assez rapidement les échelons. Il n'y a qu'un système d'élo. Hein. On n'est pas encore sur du challenger, qui est grandmaster, machin. Non, on est juste sur un système d'élo comme aux échecs, hein, où tu gagnes, tu montes, tu perds, tu descends. Surtout si tu joues contre, en gros, une moyenne de gens plus forts ou moins forts. Du coup, tu rencontres ces différentes personnalités-là qui vont faire la scène, mais tu ne peux pas le savoir encore, en fait. Tu joues avec eux. Ouais, c'est ça. Bah, je voyais par exemple, tu vois, pour revenir sur Lina, Kaltor, c'est des mecs, quand je regardais le forum LOL, parce que le classement était posté sur le forum LOL, oui. Ils étaient toujours dans les deux premiers, tu vois, enfin, ou au moins dans le top 5. Je sais pas s'ils étaient toujours vraiment toujours dans les deux premiers, mais je crois que c'était, je sais plus si c'était par mois ou quoi le classement, mm-hmm. C'était un truc comme ça, tu vois. Oui, je crois. Ils étaient toujours là, tu vois. Mm. Donc, ouais. Du coup, ça porte un peu de la confiance et tu te dis, bon, ça peut être des mecs qui sont plus forts que la moyenne, avec qui je vais pouvoir aussi progresser, etc. Ouais. Et à ce moment-là, toi, du coup, c'est le moment où t'es déjà en BTS ou non? T'es encore sur ton bac? Ouais, c'était plutôt entre le bac et la première année de BTS. Du coup, comment tu jongles? Parce que là, t'es en mode, dès que je rentre du BTS, je peux jouer. C'est quoi la situation? Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'avais plutôt des facilités à l'école. Ouais. J'ai jamais eu trop de difficultés, à part peut-être en seconde, où bah, la transition collège-lycée, un truc qui me plaisait pas forcément. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal en seconde. Mais après, tu vois, je suis allé en STG, mais ça me plaisait. Mm-hmm. Et puis, j'ai réussi, c'est bien. Ensuite, après le BTS, c'était pareil, c'était un truc qui me plaisait globalement. Et du coup, bah, j'avais des facilités, j'avais pas forcément besoin de beaucoup travailler, donc ça me laissait beaucoup de temps pour jouer. Ouais. Et à la différence de d'autres, toi, tu découvrais du coup cette partie e-sport à travers League of Legends, j'imagine. Et du coup, ouais. T'étais en mode, on verra ce que ça donne, ou je veux le plus vite possible quitter mon BTS pour pouvoir faire ça à plein temps. Parce qu'en même temps, à cette époque-là, il faut le dire, il n'y a rien, il faut tout défricher. Il y a, bon, tu l'auras un peu plus tard, une invitation pour les IEM New York, mais c'est quand même bien plus tardif. Bah, c'était pendant mon BTS, mais ouais, c'est vrai que moi, j'étais dans l'optique, de tous les cas, d'avoir au moins un bac plus 2. Mm-hmm. Parce que bah, les cash price à l'époque, c'était pas ça. T'avais pas de salaire, ou alors il fallait vraiment être God tier, tu vois. Ouais, et puis c'était quoi? C'était 200 balles, sinon tu gagnais des casques, quoi, génial. Et puis tu avais pas mal d'orgue assez shady, où bah, tu te faisais arnaquer, donc ouais, c'était pas facile, donc c'est pour ça. Moi, je voulais au moins avoir un bagage, histoire de soit pouvoir continuer les études après le BTS, si j'en avais envie, même si bon, c'était pas forcément mon but. Ou alors, bah, justement, si ça se développait, pouvoir essayer de devenir pro et un peu ce qui s'est passé au moment où il y a eu Sparta, du coup. C'est ça. Du coup, eh ben, prenons cette partie compétitive, puisque là, on a, je pense, fait pas mal le contexte. C'est quand même bien différent, comme je le dis souvent avec les invités, de jouer tout seul, en solo queue, dans son coin, ou alors en duo, que de jouer à 5, quoi, avec une stratégie à mettre en place, avec des objectifs, avec des choix tactiques. Comment, toi, tu te retrouves à passer de « je joue tout seul » ou à « 2 » à « je joue à 5 » et pourquoi c'était plus intéressant pour toi que de continuer à juste solo queue ? Parce qu'en fait, depuis que j'ai commencé le PC, mm-hmm. je n'ai jamais vraiment joué tout seul. J'étais toujours avec des potes de ma classe. Ouais. Le soir, dès qu'on rentrait, on jouait à CS, en vocal, tout ça. J'avais des petites teams, même si c'était pas terrible, tu vois. Genre, j'ai toujours eu l'esprit… C'est marrant parce que dans le sport, j'étais peut-être plutôt un mec esprit individuel, mm-hmm. mais dans les jeux vidéo, j'étais plutôt esprit d'équipe et ouais, j'adorais en fait. Moi, ce que je voulais, c'était mes potes se connectent pour jouer avec eux, tu vois. Mm. Ok, donc ça, c'est ce qui fait que tu passes dans la... Et à côté, pendant que tu commences à construire une première team, ce sera la team ALS, etc., on en parlera. À côté, tu streams déjà ou pas encore ? Non, je crois que j'ai stream la première fois quand j'étais chez Cypher. Ok, donc plus tard. Quand on a commencé à gagner quelques trucs. Ouais, au tout début de l'équipe, quoi. Non, ce qu'on reviendra, ça fait aussi partie de ton parcours. Du coup, cette team ALS, raconte-nous, c'est un peu les débuts. Tu construis ça avec Skyheart, c'est ça ? Il me semble qu'il y a Joti aussi. Alors, moi, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'ils avaient déjà. Ils étaient déjà ensemble. Ouais. Et je suis arrivé, ils m'ont proposé. Donc, il y avait Skyheart, Joti, Nervoust. Possible, je suis ouais. Pas sûr, Nemo's Backdown ouais. et Vince d'abord. Ouais. Je suis pas sûr exactement de la team ALS. Voilà, parce on parle d'un truc qui a 8-9 ouais. ans déjà. Ouais. Donc cette première team, elle a quoi comme ambition, tu crois ? Enfin, toi, quand t'arrives chez eux, c'est quoi ? C'est l'idée de tout gagner ? Il y a l'idée d'avoir des LAN ? Il y a l'idée de jouer juste en ligne ? C'est quoi le concept à l'époque ? Bah, c'était, il y avait pas vraiment beaucoup de LAN, mais ouais, c'était. Je sais pas exactement, en fait, c'était compétitif, essayer d'être dans les premiers du ladder. Ouais. Il y avait un ladder 5v5 à l'époque. Mm-hmm. Et voilà, quoi. Après, s'il y avait des petits events, on les faisait. Mais c'est tout. Je me souviens d'un truc. Je me demande si c'était pas une des premières LAN de LAN, mais dans un cybercafé à Versailles. Ok. Où en fait, moi, c'était la première fois que j'allais, du coup, en dehors de ma région pour jouer. Mm-hmm. Et c'était avec, donc, il y avait Joti, Vince, il y avait Antogine. Antogine qui était un AD carry okay. et Skyheart et on avait joué dans un cybercafé voilà il y avait pas mal de mecs qui s'étaient déplacés des top Elo FR tu vois okay. et on avait gagné, c'était la première un peu compète qu'on avait fait et moi j'étais trop content. Ouais, j'allais t'en parler. Effrayé, quoi. C'est quoi, c'était du coup l'adrénaline, le fait que tu te retrouves en face à face avec des joueurs alors que d'habitude t'es derrière ton ordinateur, qu'est-ce que ça change justement d'aller jouer à Versailles, se déplacer pour finalement partager quelque chose avec des gens alors qu'au départ c'est juste un jeu vidéo quoi, c'est ça qui est marrant. Ouais, je pense que c'était ça qui me plaisait aussi, le fait de jouer plus souvent avec des gens assez vieux. Mm-hmm. Et tu vois, je me sentais grand aussi un peu d'être avec des joueurs qui avaient 3, 4, 4 ans de plus que moi. Ouais. Je me déplaçais, chose que mes potes, tu vois, IRL faisaient pas. J'avais l'impression, tu vois, de vivre quelque chose De particulier. Un peu unique, quoi. Ouais, ouais, de particulier, ouais. Ouais, carrément. Et ça va te donner l'envie de continuer. Du coup, c'est quoi ? C'est la team ALS qui va être récupérée par Cypher ? C'est à peu près ça ? Ou une partie ? Je me souviens plus parce que il y a eu Führer aussi, mm-hmm. où j'ai joué avec Noobs, Crepo, Arnaud, enfin des joueurs comme ça à l'époque. Ouais. Et je me souviens plus si c'était. Je crois que c'était après avec ALS, ça. Ouais. Donc, je crois qu'il y a eu Führer après. Et après Führer, je crois que j'ai été récupéré par Cypher à la place de Mirac et Dax, je crois, le support. Pour faire la qualif pour New York. Et cette qualif, là, tu joues, je le rappelle, à Décari, hein, parce que c'est important. Oups, pardon. Mm-hmm. Tu joues à Décari, puisqu'après, tu vas changer de rôle. Et du coup, c'est quoi, qu'est-ce que c'est pour toi le fait de jouer à ADC ? C'est ce qui te plaisait le plus ? C'était le rôle sur lequel on t'avait dit, il faut que tu joues ça ? Ou comment c'était quoi ? Alors, en fait, le truc, c'est juste avant de vraiment main à Décari, mm-hmm. en fait, pour te dire, au tout début du jeu, on n'avait pas vraiment de rôle, en fait. Bah non. Ben, chacun jouait sur les lignes. Donc, dans les toutes premières équipes, on jouait tout et n'importe quoi, tu vois. Mm. Et Et après, une fois que j'ai rejoint Cypher, ouais, j'étais ADC parce que je ne sais pas à quel moment je me suis dit vraiment je vais main ADC, tu vois. Mais je pense que c'était à peu près. Je sais pas si justement chez Furent je jouais déjà ADC. Mais ouais, bah, c'était le rôle qui me correspondait le mieux. Je sais pas exactement pourquoi, mais ça me plaisait et c'est là-dessus que je me suis focus quoi, à l'époque. Peut-être une histoire de rat, mais on y reviendra. <peut-être. rire> Bah, tu sais, j'étais joué aussi par exemple beaucoup TF. Hein, ouais. J'étais assez fan de quelques champions comme ça. J'avais souvent un champion par lane qui me plaisait bien et voilà. Et sinon après en ADC, je vois à peu près tout quoi. Du coup à cette époque-là, donc d'abord Skyheart, Jotty, Alter, Piri, puis ensuite Moops qui va arriver dans la line-up, Schlaya qui va remplacer Jotty. Vous allez entre autres participer à trois IEM, et c'est là-dessus que je vais un peu baser le truc, parce qu'on va pas tout faire de ce qu'a fait Cypher, mais il y a les IEM New York, qui est un peu, enfin, pour moi, le début de League of Legends en termes de méga compétition, avant même les championnats qu'après organisé Riot, parce qu'il y avait un petit peu notre équipe avec Skyheart, Jotty, Alter, Lunae, Piri qui vont traverser l'Atlantique. Nous, on se dit que c'est enfin, moi je regarde ça de loin et je me dis c'est fou quoi, ces mecs là qui font des petites LAN comme tu dis à Versailles, là se retrouvent à devoir prendre leurs billets. Déjà, je crois que vous payez vos billets d'ailleurs, non? Comment ça se passe? C'est plus ou moins défrayé, mais c'est le bordel. Ouais, voilà, c'est ça. On a en gros une semaine avant, on nous avait dit, enfin Lord nous avait dit, ouais, ça va être chaud et tout, et ils nous avaient quand même pris nos billets et l'hôtel. Et après le reste, c'est nous qui avions payé, mais voilà, je sais pas comment ils s'étaient débrouillés, mais bon, on a eu de la chance et on a pu y aller, tu vois. Parce que ouais, c'est vrai qu'à l'époque, quand il fallait sortir 400 euros de ta poche, les cash prize tu les recevais super tard. Ouais. Mais c'était pas très élevé, donc bon. T'allais vivre l'expérience, mais tu savais que t'allais rien gagner derrière ou peut-être perdre de l'argent. Et puis du coup, vous représentez la France à travers ce premier tournoi parce que vous êtes 5 Français. En face, ouais. Vous allez tomber dans un groupe avec, à l'époque, pour donner quelques noms, des SK Gaming où il y a Ocelot, Wicked ou Candy Panda. Vous allez vous trouver face aux Américains de Team Curse dans lesquels tu peux retrouver Pobelter ou Double Lift, etc. dans ces premières compétitions-là. Liquid aussi qui s'en va de deux, hein, qui va être après un créateur. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Voilà, je donne quelques noms comme ça, ou même VU où on va découvrir Afromu à l'intérieur de cette équipe. Vous allez du coup vous retrouver dans une bataille fratricide face à Fnatic en quart de finale et du coup vous allez tomber en loser bracket et vous allez après gagner contre CLG. Moi je trouve que c'est une période déjà folle, je trouve, pour League of Legends, parce qu'on se dit que ce jeu a le pouvoir de faire rencontrer des gens de l'autre bout du monde sur de la compète, quoi. Et toi, comment tu vis ça? Tu te souviens particulièrement, enfin tu quittes la France pour pouvoir partir aux États-Unis jouer ce tournoi, quoi. Ouais, pour moi, c'était un rêve, tu vois. Genre, le jour où on s'est qualifié, j'ai couru dans la maison, j'ai crié, ouais, à mes parents, je vais à New York et tout. Et ouais, je trouvais ça ouf. Enfin, je sais pas s'il y avait déjà eu, avant New York, des autres compétitions, mais enfin, ouais, c'était clairement un rêve, tu vois, d'aller là-bas. En plus, les US, ils étaient un peu hypés, tu vois. Ouais. Et au final, on a fait une bonne perf, les 3 EU. Qui était là-bas, on a fini premier, deuxième, troisième. Ouais. Tu vois, c'était la première fois que j'allais traverser l'Atlantique pour jouer en plus, tu vois, je trouvais ça ouf, quoi. Du coup, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu te dis je suis devenu joueur pro, ou tu te dis toujours que c'est semi-pro, ou que c'est juste une activité comme, enfin, un petit rêve, et que derrière, il faut reprendre la vie normale? Comment tu vois ça? Ouais, si, c'était plus, je vivais un rêve, et puis à côté, je rentrais, je faisais mes études, et puis, quand j'avais l'occasion d'aller en LAN, c'était, on profitait un max. C'est aussi le début de, je découvre que c'est pas que la honeymoon, hein, c'est pas que une partie de bonheur d'être avec des joueurs, mais aussi parfois des difficultés, et si j'en parle, c'est parce que tu vas avoir un rôle ensuite de management et de coaching, tu te rends compte que le fit avec l'équipe est important, quoi, voire plus qu'important, il est primordial pour que ça se passe bien. C'est ce qui fait que du coup vous allez faire des changements, que Cypher va ensuite accueillir genre Aimso, Kikis, etc. Puisqu'il y en a certains dont je me souviens, je crois que c'est Altor et Skyheart qui se pifferaient pas, quoi. Ouais, il y avait. Enfin, tu vois, moi, c'est marrant, mais moi à cette époque, j'avais 17, 18. Donc je comprenais pas trop, tu vois, les embrouilles entre joueurs. Même si j'étais un mec un peu toxique et tout, mais c'était en solo queue. Dès que t'étais en team, tu te voyais RL, ça se passait toujours plutôt bien. Moi, je voyais pas tout ça, tu vois. je ressentais même pas qu'il y avait des gens qui s'aimaient pas, tu vois, dans l'équipe. Genre, pour moi, j'étais là, j'étais trop heureux d'être là. Et... Ouais. On joue, et après, on joue, une nouvelle partie, les gars. Ouais, c'est ça. Et à la fin, t'avais Jotty qui venait me voir, ouais, on va peut-être devoir se séparer d'Altor ou. Il s'entend pas bien avec Skyheart et tout, ça coince, machin, et alors que moi, je le voyais même pas. Ouais, toi, t'étais vraiment focus jeu, quoi, sur le départ. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et tu parles de Toxic en solo queue, raconte, qu'est-ce qui se passe? Bah, ouais, je sais pas pourquoi j'étais comme ça, mais après, j'ai toujours été un peu rageux, tu vois. Que ça soit dans le sport, ouais. Avant LOL, avant les jeux vidéo et tout, j'étais déjà un peu comme ça. Et... Tu dirais après, mauvais joueur ou mauvais perdant? Mauvais joueur. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. je vois. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Et après, bah, en plus, quand t'es derrière un écran et que t'as 17 ans, voilà quoi. Ah bah ça va faire, pas forcément positivement, mais ça va faire ta renommée tout de même, puisque du coup, on va se dire, Looney, c'est un peu le mec qui va être toxique, qui va du coup s'énerver contre lui ou ses mates, mais en attendant, du coup, tu apparais aussi sur l'univers comme un streamer qui peut aussi montrer que bah ça peut être des moments chiants, quoi, quand tu perds et que tu peux rien faire, etc. Ah mais c'est clair, après, voilà, c'était principalement en solo queue. À part un accrochage, bon, t'as déjà vu en pré-mate, franchement, j'ai. Ah oui, c'est vrai. Je pense que j'étais plutôt un bon teammate. Voilà, j'ai jamais été vraiment toxique en équipe ou quoi. Mmh. Et ouais, je sais pas, c'était. C'était une période, quoi. Ouais, c'était aussi. Enfin, t'es adolescent, quoi, à cette période-là. Faut juste le rappeler. Ouais. Quoi. C'est tout con, mais. T'as à la fois, tu contrôles pas forcément toutes tes émotions, en plus, comme tu le dis, t'es tout seul devant un PC, tu te rends pas forcément compte aussi des gens qui regardent, de ce qu'ils ont à regarder, etc. Ouais. Du coup, tu te retrouves avec bon quelques line-up, je parle de Cypher, après, tu vas avoir une équipe avec, tu vas travailler un petit peu avec Kerp, Tabs, etc. pour quelques events, je crois, c'était la... c'était, je sais plus comment elle s'appelle cette team, Teamless ou un truc comme ça, je crois que c'était... Ouais, j'ai joué un peu avec eux... Ouais. J'avais joué aussi un peu avec à cette époque avec Unlimited. Ben c'était une team de joueurs pas très connus, tu vois, et on tapait souvent des bonnes équipes en pre-made. Et après le truc c'est que je sais pas si tu te souviens de cette période, ils avaient pris Samurai Engines. Ouais. C'était vrai. Une équipe qui est pour les qualifs LEC. Et ils avaient pris Freeze à ma place. Parce que bah le directeur voulait jouer avec Freeze, tu vois. Enfin c'était un pote de Nip. Blablabla. Donc moi j'avais pas eu ma chance, c'est dommage parce que je pense que c'était une période où j'étais vraiment pas mal et j'étais un peu pas dans l'oubli, mais c'est ça, je faisais pas grand chose en fait en tant que LAN, c'était vers 2013 je crois. Et ça aurait été peut-être un bon moyen pour moi de me remontrer et voilà, de faire quelque chose. Mais parce que à ce moment-là t'es passé support, hein, on le rappelle, qu'est-ce qui fait que t'es passé support? Ben non, parce que en fait, si tu veux, regarde. Non, t'as raison. T'es support un petit peu pour Cypher, puis ensuite re-AD. C'est ça, c'est exactement ça. Et après, je suis repassé support pour les autres équipes. Voilà, c'est ça, exactement. J'étais passé support quand il y a Lilumi qui a rejoint. Ouais. Et quand Pierre avait été écarté de l'équipe. Parce que c'était quelque chose qui me plaisait aussi de jouer support. Lilumi, pour pas mentir, était plus fort que moi en AD. Ouais. Et du coup, voilà, et comme je m'entendais bien avec les joueurs, je voulais pas me séparer d'eux, et eux, ça leur convenait aussi. Lumi, c'est une belle période avec lui, et c'est une période dans laquelle vous allez commencer aussi à parler de plus en plus anglais, puisque Lumi, lui, est allemand, et tu retrouves aussi Kiki sur la fin de Cypher, puis après d'autres joueurs qui vont pas être francophones. Comment ça se passe, toi, c'est un truc que tu voulais, ou qui s'est imposé de lui-même, puisque du coup, c'est une bot lane qui n'est pas francophone, du coup. C'est ça, moi ça me plaisait, ça me permettait aussi d'améliorer mon anglais parce que j'avais pas un niveau, je me débrouillais tu vois, mais il y avait des mecs de mon âge qui parlaient beaucoup mieux que moi et je me disais putain pourquoi je galère comme ça tu vois, et au final ça m'a pas mal aidé et ça me plaisait vachement de vivre une nouvelle chose quoi, de communiquer en anglais et tout, c'était nouveau pour moi. Sinon, ça me plaisait. Si on revient un peu dans le temps, moi je me dis que Lilumi, qui était un très gros joueur d'AP Carry aussi en général, en plus de jouer des AD, ce serait le parfait joueur pour la méta actuelle en fait. Je pense que c'était le meilleur AD d'Europe. Sans aucun doute, ouais. Et il a arrêté pour faire des études. Continuer ses études. Je crois qu'il était en médecine. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Ouais. Et du coup, voilà, il y a cette période 2012, on en parle rapidement, où du coup tu vas, en fin d'année 2012, tu fais la DreamHack Valencia, entre autres, avec Narcus, un petit mix, ouais. GSU, Narcus, Shlaya, Yuki, Joti. Puis ensuite, il va y avoir cette pause, jusqu'à ce qu'on vienne te chercher, en gros, pour Sparta, plus ou moins. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes? Pour quelles raisons tu te dis, c'est la fin un peu de ma carrière? Et qu'est-ce que tu as, du coup, à cette époque, qu'est-ce que tu te dis? À quel moment justement 2012, ça. Avant de reprendre avec Sparta, puisque ça va être un an et quelques après. Bah ouais, je sais pas. En 2013, il y a aussi le fait que j'avais une copine. Oui. Je me suis installé avec elle. Ouais. J'étais assez jeune. Voilà, ça m'a peut-être un peu bloqué là-dedans aussi. Mm-hmm. Je vais pas te le cacher. Et une fois qu'on s'est séparés, donc début 2014. J'étais avec Warsit, donc c'était c'est Gibbs, Contex, Extinction, Briggles et Liquid en AD, ça switch. Et après ça, je suis allé chez Sparta. Sparta, ouais. Sparta avec une première version avec Spontex, et puis ensuite ce sera Steve qui va prendre un peu la place dans l'équipe. Comment tu vois ce projet? Est-ce que tu te dis c'est le moyen de me relancer? Du coup, j'ai passé trop de temps avec ma nana, maintenant je veux focus sur mon côté joueur pro. Comment tu vois les choses à ce moment-là? Ouais, c'est exactement ça en fait. Déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient intéressés par moi pour le projet. Ouais. Notamment parce que à l'époque, je m'entendais pas avec eux, mais j'avais pas forcément de contact avec Shones, Nono, ces gens-là. Tu vois, ils étaient un peu dans leur coin avec HGMX. On ne parlait pas souvent, on n'avait jamais joué ensemble avant. Mm-hmm. Ils disaient, mais pourquoi ils me veulent, tu vois? Mm-hmm. Et ils voulaient se contacter moi. Et ben moi, comme j'avais fait. C'est le moment en plus où j'étais en train d'hésiter, tu vois, à faire un. Quoi, IUT, ouais. Plus 3 quoi, à Poitiers. Et j'avais fait les entretiens pour y aller. Et genre, deux semaines après, il y a Irakbot qui me contacte, qui me dit, ouais, on est intéressé. Par toi pour le projet, et puis moi, c'était ce que je voulais, tu vois. Donc, à cette époque-là, c'est le début des teams qui commencent à vivre les unes avec les autres en France. Tu te retrouves avec Millennium qui commence à construire son programme à Marseille. On se retrouve avec Eclipsia qui commence à construire aussi son projet, d'abord à Bordeaux, puis à Ashford, etc. Du coup, vous, c'est un peu plus tard pour Ashford, mais en 2014, vous allez être une structure un peu à part parce qu'en plus d'être une équipe, vous allez streamer. Et le projet va prendre cette ampleur-là, quoi. Toi, est-ce que tu t'attendais à ce genre de truc? Est-ce que c'était ce que tu voulais vivre? Et je dirais aussi, quelle était ta vision de l'e-sport qui avait quand même pas mal évolué entre 2011 et 2014? Pour moi, c'était le moment justement où je me suis dit, ça se trouve, ça peut devenir mon métier, tu vois. Ouais. En mode, je pense que j'étais pas un mauvais streamer. Globalement, ça allait. J'étais pas le meilleur animateur, mais tu vois, je me débrouillais en stream. Mm-hmm. J'avais un bon niveau, ça on pouvait allier les deux. Je me suis dit, c'est parfait, tu vois. Je me suis dit, c'est vraiment le moment où ça peut, je peux peut-être percer là-dedans, quoi. Ta force, moi, je trouve qu'à cette époque-là aussi, c'est le fait que tu knocker et t'es un peu en mode je fais, quoi. Et t'es pas en mode qu'est-ce que les gens tout le temps vont penser de moi. T'es plus en. Enfin, je trouve que tu fais partie des mecs qui, dans ce groupe-là, sont un peu plus en mode « je sais ce que je fais, je le fais et on verra bien après quels sont les retours, quoi. » Mais pas « j'ai peur de chaque truc que j'ai envie de lancer, quoi. » Non, mais c'est ça, en fait, que c'est vrai que c'était un peu ma force. C'est que j'avais aucune pression par rapport à tout ça, tu vois. Je voyais, j'avais des joueurs, notamment chez Sparta, et dès qu'il y avait un match officiel ou qu'il y avait quelque chose qui était streamé, c'était un peu différent, ils se sentaient pas forcément bien, alors que moi, tu vois, je m'en foutais, quoi. Et ouais, c'était sûrement une force. Tu dirais que c'était déjà le côté un peu vétéran ou pas? Non, je pense pas. Okay. Non, je pense pas. C'est que j'ai toujours été comme ça depuis le début. Hein. Ouais, la force tranquille, Lunet. Ouais. Et du coup, comment tu vois l'e-sport sur ces années 2014-2015? Vous allez participer à des, entre autres, à des Spring Expansion, qui était l'occasion pour les ULCS d'accueillir des nouvelles équipes. Vous n'allez pas passer la barre face aux différentes dimensions, mais ça va être un moment assez excitant parce que vous dites que vous pouvez peut-être aller sur un cran au-dessus, etc. C'est des déceptions, c'est plus du plaisir. Comment tu te souviens de cette période? Alors, le projet était super. Franchement, J'ai gagné 5 années de maturité en 6 mois, tu vois. Ouais. Bah parce que j'étais justement avec des gens plus vieux, plutôt plus vieux. Sean était plus vieux, Nono aussi. Histari aussi, plus tard. Ouais, il y a Histari qui a fait un petit passage. Mais ouais, j'ai vachement grandi pendant cette période. Et ça, ce qu'on faisait, ça me convenait très bien, ça me plaisait. Après, il y a eu des déceptions par rapport au résultat. Mais c'était aussi le fait, comme je te disais tout à l'heure, de la pression du stream, de tout ça, quoi. Et après, c'était pas quelque chose qui... Enfin, c'est pas ça qui a fait que le projet s'est arrêté ou quoi, tu vois. Pas les résultats, parce que... C'est ça. On s'attendait, on se disait, tant mieux si on réussit. Si on réussit pas, de toute façon, il y a des gens qui sont là pour nous soutenir derrière sur le stream. Notre métier, c'est plus le stream que d'être joueur pro, tu vois. Le joueur pro, c'est un bonus. C'est un peu comme chez Solary, tu vois, maintenant. Ouais, tout à fait. Quand t'as des mecs sur... tu vois, les WAX, des trucs comme ça. Si on perd en LFL, tant mieux, tu vois. Mais après, si on perd pas, c'est pas très, très grave. Il y aura quand même toujours la partie streaming qui nous permet de vivre, quoi, et de faire ce qu'on aime. Ouais, cette période Sparta, elle va se terminer après le Challenge France, où vous finissez genre 4e à l'époque, c'est en 2014. On parle d'un Challenge France comme on parlerait d'un tournoi mineur, parce qu'on n'est pas du tout sur un gros truc, par rapport à ce que la LFL peut être aujourd'hui, et même les Challenge France 2018 ou 2019 qui étaient beaucoup plus stack, on va dire. Je crois que Challenge France 2014 s'est remporté par Infamous, non, Imaginary Gaming, c'est vrai. C'est ça, ouais. Mais du coup, c'est en à côté de ce qui se passe à la Lyon eSport, enfin bref, c'est pas un truc à part entière, on va dire. Et derrière, va s'ouvrir une nouvelle période un peu après, avec la période AAA, où tu vas retrouver Spontex, Gibbs et Yuki, entre autres. Comment ça se passe, cette fin de Sparta, et comment toi tu le vis? Parce que c'est plus, c'est pas tant le projet, moi c'est plutôt le joueur, comment il le vit à travers la fin de ce genre de truc où tu as passé du temps avec eux, et plus que tu partageais tout, quoi. Ta maison. Bon, voilà, la fin de Sparta, c'était super dur pour moi. De dire au revoir à tout le monde et tout, ça m'a vraiment fait mal au cœur, parce que je me suis dit que c'était un super projet et qu'on aurait pu faire beaucoup plus, tu vois. Après ça, il y a eu pas très longtemps après, en vrai, quelques mois après, on m'a proposé, j'ai retrouvé une équipe avec des gens que j'aimais bien, on était un peu des grands enfants, Gibbs, Extinction, Spontex et tout, il y avait Yuki aussi, c'était la déconnade, mais on faisait des perfs corrects, et ouais, c'est une période qui m'a plu aussi, quoi. Est-ce que là, tu dirais que c'était déjà le côté un peu plus je me mets en retrait, ou tu te donnais à fond sur cette période-là encore 2015? Non, parce qu'on tryhardait quand même, parce qu'au final, on a quand même gagné des events en France, même si c'était une période où il y a eu un peu moins, il n'y avait pas vraiment d'équipe qui dominait, tu vois, je crois que c'était un peu la fin d'Imaginary. Oui. Qui dominait pas mal 2014-2015. Début 2015, et là on a commencé à aller, une fois qu'ils sont séparés de Sardoche, on a commencé à battre IMG, et non, on a fait une bonne année en France, hein. C'est pour te dire, c'est l'année où j'ai sûrement gagné le plus de cash prize, etc. Ouais, c'est une année aussi où il y a beaucoup de nouvelles line-up, et vous, avec une construction un peu plus de vétérans, enfin, je pense à Spontex qui prend un rôle un peu plus de vétéran, Yuki aussi, vous êtes un petit peu aussi les vieux qui avaient tout connu, quoi. Enfin, c'est ça, c'est qu'en 2015, mais. On était solide, alors que les autres, ils changeaient de team tous les mois, quoi. Il y avait des nouvelles équipes à ce moment-là. Bon, après cette période AA qui va se terminer, on va dire mi-2015, toi, c'est le moment où tu dois faire un peu un choix, j'ai l'impression, où tu te dis, je te revois dans des interviews où tu dis, s'il y a n'importe quel projet autour de l'e-sport qui se monte, je veux être dedans, quoi, parce que j'ai envie de continuer à travailler dessus. Mais j'ai pas l'impression que tu saches vraiment ce que t'as envie de faire. Est-ce que c'est faux, ou est-ce que tu savais déjà que tu voulais après travailler sur la partie management, coaching? Comment ça se passe? Non, je savais pas du tout. En fait, tu vois, moi j'étais plus en mode, si ça me plaît de continuer de jouer avec les équipes avec qui dans laquelle je suis, continue, tu vois. Et après on verra si à un bout d'un moment ça me plaît plus, j'arrête. Et quand il y a eu le fameux truc avec Amine, chez AA à la fin, là, où en gros on a été forcé de jouer avec eux pour un tournoi, parce qu'il y avait un gros cash prize, et les mecs ils nous ont rejoints juste pour ça, donc ils s'en foutaient, tu vois, d'être là. Ça s'est pas très bien passé, et c'est là où je me suis dit, peut-être que je suis plus fait pour ça, tu vois. Et je me suis dit, je vais faire une petite pause, et là il y a Infamous à l'époque, donc c'était Nero, Niski, Kyrdos, c'est ça. Il y avait Mini Troupax à cette époque, peut-être. Non, c'était Chronifaxi. Chronifaxi. Donc, on a, on avait quand même une grosse équipe, hein, quand je pense. La plupart des joueurs ont percé, donc Niski, Faxi et Chrony après. Ils m'ont proposé d'être manager. Alors, j'avais vraiment aucune idée de ce qu'il fallait faire, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas trop de staff. C'était le début, en fait, on va dire, sur la scène française du staff, parce qu'il y en avait en LEC, mais pas vraiment sur la scène française. Et je les ai rejoints. Bien sûr, c'était bénévole et tout, tu vois. C'était pour les aider. En gros, ils m'avaient dit, ouais, on cherche quelqu'un pour nous aider à avancer. Ouais, et oui, je les avais rejoints, je ne les connaissais pas du tout. Mmh. Genre, Nero, je le connaissais vite fait de Twitter ou même pas, ouais, aussi, de Twitter. Et Niski, je ne le connaissais pas, les autres non plus. Et ça s'est fait comme ça, tu vois. Et après, petit à petit, on a fait des bonnes perfs. Mmh. Après, on est rentré chez Menti. On a fait, je pense franchement, des très très bonnes performances chez Menti. Sur la scène hors LCS, du coup. Ouais, tout à fait. Et puis après, une fois que Melty donc, a fermé sa structure, on a été recruté par LDLC. Exactement, ouais. Ça, et du coup, les joueurs vont bouger, mais toi, tu vas rester. C'est un peu ça le concept. À cette époque-là, toi, tu te dis quoi quand tu commences à rejoindre cette bande de débiles? Parce que Nero et Niski, ils me disaient, il y a des fois, on ne savait pas à quel aéroport il fallait partir, tu vois. Et toi, tu te retrouves à devoir gérer ce truc-là. Des mecs qui sont très jeunes. Est-ce que, avec le recul, tu te dis, c'était pas du tout ma place, ou au contraire, en fait, je gérais pas trop mal, vu ce qu'il y avait à faire? Non, en vrai, ce dont tu parles là, c'est de ma faute. Ah ouais, ouais. Je le dis avec beaucoup d'amitié, hein. C'est des gens c'est de ma faute, et justement, c'était un peu c'était compliqué parce que j'avais ça à gérer, et c'était la première fois pour moi, tu vois, et j'étais un peu tout seul. Ouais. Donc c'était un peu compliqué, mais en vrai, c'est quelque chose que j'ai direct apprécié. On était une bande de 6, du coup, il n'y avait pas de coach, ni rien. Et c'était une équipe de 6 personnes, et j'étais là avec eux, tu vois, je faisais vraiment partie de l'équipe, et ça me plaisait, je gérais des trucs pour eux, et ça me gênait pas, tu vois. J'avais pas l'impression que c'était un travail d'ingrat ou quoi, oui. Ça me plaisait vraiment, tu vois. Je sentais que je pouvais apporter quelque chose aux joueurs, en fait. Est-ce que, en plus de toutes les années que t'as passées en mode joueur, tu te disais, ah ça, j'aurais bien aimé avoir ça dans ma carrière de joueur, c'est-à-dire avoir quelqu'un Ouais, non, mais c'est sûr que c'est pas mal. Après, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que, comment dire, je savais un peu ce qu'il fallait faire pour aider les joueurs. C'est parce que nous, on a souvent été en galère, tu vois, dans le passé. Ouais. Et du coup, on s'est dit, enfin, je savais qui pouvait faire la diff. Nous apporter quand on était chez Cypher, etc., qu'on n'avait pas forcément, tu vois. T'as commencé, ça fait 3 ans que tu fais du management avec les équipes, pas que du LOL d'ailleurs maintenant. Comment tu vois l'évolution de ton rôle, et est-ce que t'as eu l'impression parfois d'empiéter sur le rôle du coaching staff ou pas du tout, au contraire, parce que c'était très clair? Alors en gros, moi je me suis jamais, enfin depuis que je suis chez LDLC, ouais, à part un peu avec Erdos, avant donc qui était le coach de c'est LDLC, ça. Je me suis jamais vraiment attardé sur la partie stratégique, genre je laissais tout faire, tu vois. Je pouvais donner mon avis parfois, mais sinon je laisse tout faire, parce que c'était pas forcément mon point fort non plus, tu vois. Je le sais, et parce que c'était le métier de Kyrdos et maintenant de Diello, et ils étaient mieux placés pour savoir que moi, tu vois. Et après, d'un point de vue de l'évolution de mon rôle, depuis que il y a Fortnite qui a ouvert, qui s'est lancé, on va dire, moi j'ai toujours apprécié le jeu depuis sa sortie. J'avais pas mal d'amis sur le jeu, et c'est moi un peu qui ai emmené justement Fortnite chez LDLC. Ouais. C'est assez compliqué parce que on a eu des bons joueurs, on n'a pas forcément réussi à les retenir, il y a eu pas mal de changements, et ça plaît pas forcément, tu vois, à la direction de Team LDLC. Et donc Fortnite, c'est un peu un débat donc chez nous, et voilà. Sinon après, si Fortnite continue chez nous, c'est toujours moi qui suis en charge de Fortnite, un peu de les encadrer, tu vois, d'être leur papa. Et sur LoL, moi je continue à gérer la team pro, et ça me compte bien. Sur LoL, t'as eu quand même plusieurs éditions, je pense à celle de l'année dernière avec Dandan, puis Skins, Eka, Comp, Oops, etc. Et puis maintenant, cette line-up avec Joko, Steelback, toujours Eka et Comp, mais avec un top laner coréen, Irit aussi, qui a fait la saison avec vous. Enfin, c'est quoi un peu les sentiments que t'as, parce que du coup, toi, tu les vois au quotidien, t'es l'homme de l'ombre. Est-ce que à chaque nouvelle line-up, t'as du mal à abandonner les joueurs précédents? Comment tu fais? Parce que t'as un affect particulier, quoi. Surtout, je pense, avec un mec comme Moops, avec qui t'as été joueur avec lui, puis ensuite, maintenant, son manager, quoi. Ouais, alors par rapport à ça, ouais, c'est vrai que c'est super compliqué. Je suis quelqu'un qui s'attache beaucoup aux personnes avec qui je m'entends bien, tu vois. Quitter Moom, ça a été super difficile. C'était l'année dernière, du coup, et moi je voulais pas forcément le lâcher. Après discussion, tu vois, on s'est dit peut-être que d'un point de vue performance, c'est le mieux à faire, donc faut le faire, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'était compliqué par rapport à ça. Pareil, Chrony, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Dan, bah, tu le connais, tu vois comment il est en vrai. Bah, ouais. Tu vois, c'est pas facile. C'est des gens, ça fait un peu mal au cœur quand tu les laisses et tu dis que tu vas plus les revoir, quoi, ou tu vas les revoir dans une autre équipe. Ça va, mais quand tu dis qu'il y a des chances que tu les revois plus jamais. Ouais, c'est la partie triste du job, non? Ouais, ça c'est compliqué. Ouais. Mais bon, après. T'as vécu des bons moments avec eux et voilà quoi. J'entends souvent parler de comme un moment fort pour LDLC, sa victoire à la Lyon eSport face à Genocide, puisque ça avait été un 3-2. C'est un peu aussi, je vois Bobo derrière qui exulte Yellow Star avec l'équipe et tout. C'était très tendu. Tu te souviens de cette, j'imagine, de cette confrontation? Comment tu l'avais vécu depuis l'intérieur avec l'équipe? Moi j'étais dans le public du coup pendant la game. C'était compliqué. Je crois que j'ai jamais eu autant de pression de ma vie. La pression est encore pire, tu vois, quand t'es dans le staff. Parce que t'es pas maître de la game réellement, tu vois. Tu regardes et tu peux rien y faire. S'ils perdent, ils perdent, tu vois. S'ils gagnent, tant mieux. Mais s'ils perdent, tu peux pas, genre, mettre pause et aller les voir et te dire, ouais, les gars, faut faire ça, tu vois. Et c'était, je sais pas, c'était la première fois que j'avais autant d'émotions, je pense, pour un match, quoi, de mon équipe. En tant que joueur, j'ai jamais eu ça, tu vois, même en gagnant des events, quoi. Est-ce que c'est le fait aussi que tu le fasses un peu pour une cause plus grande, on va dire, qui n'est plus, genre, pour ta gloire personnelle, mais aussi maintenant pour le fait que LDLC réussisse? Parce que tu t'es attaché aussi maintenant pas mal à cette structure. Ouais, c'est ça, en fait. Quand t'es dans le staff, t'as envie de voir les joueurs réussir, surtout. Et oui, c'est sûr que c'est toujours bien, après, pour l'organisation, mais c'est pas forcément à... Enfin, tu penses pas forcément à ça, tu penses surtout aux joueurs et au groupe avec qui t'as travaillé depuis quelques temps et que t'as envie qu'ils soient récompensés, tu vois. Moi, je trouve que vous êtes complètement maso, mais c'est mon point de vue personnel. Je comprends... Enfin, laisser dans les mains de d'autres gens son destin, moi, ça me... Ouais, c'est vrai. Ouais. Cette impuissance quand ils sont en game et que toi, t'es juste en face et que t'as envie à la fois de leur mettre des tartes et en même temps de leur crier des trucs. Surtout si t'as été joueur avant, il y a des fois où tu te dis, vas-y, bouge, là, t'es pas dans ton mood, je vais à ta place, je vais gérer, alors que tu peux pas, en fait. C'est un peu ça, ouais. Nouvelle line-up pour cette année 2019, tu parlais toi de ton rôle qui évolue, etc. Comment, enfin, mon next step, ce serait un petit peu, est-ce que maintenant que t'es à cette place, tu te dis, c'est la place qui me correspond, le côté, comme tu dis, papa un peu des joueurs, à essayer de répondre à leurs attentes, à leurs demandes, mais aussi de pouvoir être un peu ferme quand il le faut. Tu te dis, c'est le rôle qui est parfait pour moi, ou au contraire, tu te dis, c'est juste un passage pour un autre truc que j'aimerais faire par la suite? Alors... Par rapport à ça, j'ai pas vraiment de projet dessiné dans ma tête, si tu veux, en avance. Donc, pour moi, j'aime pas trop prévoir ces choses-là, tu vois, et je prends quand ça vient, tu vois. Et je me dis, bah, si je peux évoluer, tant mieux, tu vois. Moi, j'aimerais rester, si possible, au contact des joueurs. C'est tout ce qui me plaît, en fait. Après, que ça soit en tant que manager ou autre chose, il y a pas de souci, tu vois. Genre, ça se trouve, ça me plairait aussi de faire de l'événementiel où je suis en contact avec les joueurs, tu vois. Voilà. Parce que on t'a vu chez Retraite eSport, très clairement, ou dans le match des légendes. Donc, Lounet, arrête de nous tease. Quand est-ce que tu reviens sur la scène? Moi, je pense pas que ça soit là, tu vois. Je suis passé de. Je jouais encore, j'étais master 300 MP. Ouais. Et là, en deux semaines, je suis passé D2. Voilà. Donc, bon. Donc ce sera pas pour tout de suite. Ouais, non, tu peux pas faire ça. Ouais, je comprends que ce soit difficile. Bon, parle-nous de la suite. A priori, du coup, LDLC, tu pourrais continuer si tout va bien l'année prochaine avec eux. Il y a pas mal de jolis projets qui se montent, à la fois une académie, tu pourras rapidement nous en parler, et le fait que vous déménagez aussi avec une partie de l'équipe. Comment toi, tu vois cette évolution? Tu la trouves bien, saine, normale? Et après, bah, plus personnellement, même si j'ai une petite idée de la réponse, ça vous fait quitter aussi la région parisienne pour aller dans une nouvelle région. Et allez, c'est pas si pratique d'aller de Lyon à Poitiers. Alors, d'un point de vue projet, je pense que c'est vraiment ce qu'on attendait depuis longtemps, tu vois, okay. de pouvoir ouvrir, bah, rien que le partenariat avec Tony Parker, enfin l'académie Tony Parker, c'est vraiment ce qu'il nous fallait en fait. Genre c'est tombé à pic, ça faisait un petit moment que travaillait dessus, Stéphane notamment de LDLC, et c'est tombé à pic. C'est exactement ce qu'on voulait en fait dans notre projet. Et après, bah, on aura des locaux à côté qui vont nous permettre de travailler de là-bas, de s'entraîner de là-bas. Ça ne sera plus le format Gaming House comme maintenant. Mm-hmm. Je pense que c'est une bonne évolution. Et moi, ça me plaît. Après, bah, comme tu l'as dit, par rapport au fait de changer de région, c'est compliqué un peu. C'est compliqué pour moi, en fait, parce que bah, j'ai ma copine qui est sur la région parisienne. Mm. C'est aussi plus facile de faire Paris-Poitiers, notamment pour voir la famille. Ouais. Et j'ai aussi fait un peu d'investissement dans la région. Donc, c'est vrai que c'est un peu ce qui me retient le plus, quoi. Mais après, sinon, le projet est top, quoi. Ça peut être que bénéfique pour la team. C'est vrai que tu abordes ça, et je ne l'ai pas fait avec les joueurs parce que c'est moins leur rôle, mais tu disais maintenant ça ne va plus être une sorte de gaming house, mais plus du coup des lieux de travail, et puis ensuite il y a des joueurs qui vivent dans les environs. Toi, tu vois cette évolution comme bénéfique? Je pense que ça a été pas mal poussé par beaucoup d'équipes, hein, qui disent bah, c'est peut-être pas forcément louable que les joueurs passent toute leur vie ensemble. Toi, tu l'as fait à l'époque de Sparta. Il aura fallu du coup quelques années de plus avec LDC pour se dire bon, on va changer la formule. Qu'est-ce que tu retiens en positif et en négatif des deux, quoi? En fait, ouais, c'est vrai que c'est quand t'as une équipe avec qui tu t'entends vachement bien, genre où il y a vraiment une très bonne ambiance, bah, c'est top de vivre en gaming house, tu vois. Après, il y a toujours le côté, bah, tu vois, comme on est une équipe, on va dire, en Ligue française et pas en LEC, avec moins de budget, on n'a pas une femme de ménage qui passe tous les jours, on n'a pas un chef cuisinier qui vient nous faire à manger tous les jours, donc ça, c'est compliqué, et c'est compliqué de faire en sorte que les joueurs s'y mettent aussi, tu vois. Ça dépend, tu vois, il y en a qui participent très bien, mais il y en a, il faut vraiment être derrière eux, quoi, pour... fasse quelque chose, tu vois, pour participer à la vie quotidienne, parce que c'est ça en fait, c'est une colocation, t'as pas quelqu'un qui va te faire ton ménage tous les jours, quoi. La femme de ménage, elle vient une fois par semaine, en dehors de ce moment-là, c'est à toi de le faire, tu vois. J'ai l'impression que ces endroits-là, c'est plus des écoles de la vie que des écoles de l'e-sport, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais clairement, t'as raison, c'est ça... Je pense que la plupart des joueurs qui sont assez jeunes et qui viennent en gaming house, ils en sortent grandis pour la plupart, quoi. Enfin, notamment, bah, tu vois, nous, on a Marcos qui était assez jeune quand il a rejoint. Il est en gaming house depuis un peu plus d'un an. Ouais. Et ouais, je pense qu'on a, enfin, notamment avec Eka, avec qui on parle beaucoup, on a pas mal contribué à son éducation, quoi. Non, mais c'est certain, on en parlait dans d'autres formats, hein. Vous pouvez les retrouver, celui de Steelback entre autres, où il disait bah, moi je lisais des livres et Joko il faisait la cuisine, quoi. Donc ça montre aussi les qualités et aussi bah, les demandes de chacun, et le fait que bah, pour certains faire cuire des pâtes, c'est pas si évident. C'est sur celui de Eka aussi, vous pourrez en entendre un peu plus parler. Ok, du coup, est-ce que t'as des regrets vis-à-vis de cette carrière de joueur, ou au contraire tu te dis c'était trop bien de pouvoir faire joueur pour maintenant pouvoir connaître tous les aspects des difficultés que ça a pour être à mon rôle en tant que manager bah, plus capé en fait? Alors, moi j'ai des regrets par rapport on va dire à, ouais, enfin, au fait de pas avoir été en LCS au moins une fois, tu vois. Et notamment bah, parce que à cause de mon comportement, parce que bah, quand t'avais le choix entre bah, quelqu'un que tu connaissais pas trop, qui avait une mauvaise réputation, et quelqu'un que tu connaissais pas trop, mais qui était peut-être un peu moins fort, mais par contre, qui tu t'entendais que du bon sur lui, mm. bah, tu prenais celui avec qui t'entendais que du bon sur lui. Mm. Et ça, c'est un peu ce que je regrette, de jamais avoir été en LCS, en fait. Mm. Sinon, à part ça, ouais, enfin... C'était vraiment une bonne expérience, quoi. Bon, ça fait 10 ans que League existe. Tu continues à jouer au point que tu décailles D2, mais tu continues à pas mal jouer. Est-ce que tu continues à être heureux de jouer à League et malgré le temps écoulé? Et la deuxième question qui forcément se glisse, c'est est-ce que tu penses que ça t'a fait grandir? Alors, pour ta deuxième question, c'est clair. C'est clair et net. ça soit bah, sur le... Après, ouais, enfin, oui. Notamment grâce à Sparta, enfin, après chez A aussi, où j'étais le plus vieux de l'équipe avec Yuki. Donc, tu vois, on a inversé les rôles, en fait, au fur et à mesure du temps que le temps passait. Et ouais, ça m'a fait beaucoup grandir. Et sinon, par rapport à LoL, bah, c'est un jeu sur lequel je joue encore. Ça me plaît toujours, mais j'ai des périodes, en fait, où je vais pas jouer beaucoup pendant un mois. Et où, par contre, pendant un mois, je vais avoir envie de saigner le jeu, quoi. Mmh. Ouais, classique. Des cycles, un peu. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as le temps pour être sur autre chose que tes joueurs qui ne savent pas quoi faire de leurs 10 doigts? Qu'est-ce que tu fais comme passe-temps? Tu as le temps pour faire du sport, pour sortir? Alors, nous, on va principalement... Enfin, on fait du sport avec l'équipe. Ouais. Donc, voilà. J'essaie de m'entretenir, on va dire. Mmh. Après... Je m'intéresse beaucoup à l'immobilier. Ouais. C'est un de mes passe-temps et qui me prend beaucoup de temps parce que j'ai ça à gérer. Je vois aussi souvent ma copine, du coup, qui est en région parisienne, avec qui je fais des petites sorties. Mmh. Et de temps en temps, je vois des amis, donc, notamment un groupe d'amis que j'ai sur Paris avec Shones, voilà, et d'autres amis. Avec qui pas forcément de LoL, mais ouais. Avec qui vous connaissiez en tant que joueur, maintenant vous faites plus écorcher des chansons du répertoire français, mais je crois que cela ne nous regarde pas, bien sûr. Est-ce que tu as du temps pour lire des bouquins, regarder des films ou une série? Puisque parfois je demande une recommandation, et si tu en as une, c'est le bon moment. Alors je ne suis pas trop cinéphile ni sériephile, je ne sais pas si ça dit sériephile. Allez, mais... va pour sériephile. je regarde quelques séries. Ouais. Là, quelle série j'ai vraiment... Bah, un truc qui m'a beaucoup touché, c'était When They See Us. Ok. C'est sur des jeunes qui ont été accusés à tort aux États-Unis pour un crime, quoi. Mm-hmm. Et c'est une histoire vraie. Et ça m'a vraiment touché. Et donc, c'est un petit truc de 4 épisodes. Donc, ouais. Ça ne dure pas forcément longtemps. Après, qu'est-ce que j'ai regardé que j'ai beaucoup attendu? Parce que là, moi, je suis vraiment pas un mec qui regarde toutes les séries, tu vois. Non, non, mais tu sais, ça comme Rocco, c'est déjà pas mal. Hein, t'es pas obligé de. Ouais, voilà. Voilà. Niveau film, après, ouais, je vais au cinéma voir les nouveautés, on va dire, avec régulièrement avec Kéka et Comp et parfois les autres. Après, il n'y a pas vraiment de film qui m'a marqué dernièrement. Et après, un bon bouquin d'immobilier, et je pense qu'on est bien. Bah, j'en ai lu qu'un, tu vois, et ouais. C'était vraiment pour débuter. Après, je me suis un peu renseigné plutôt sur Internet. Donc moi, j'ai juste regardé un bouquin. Ça s'appelle « Devenir rentier en 18 mois », tu vois. Mais c'est juste un bouquin, en fait, qui va t'expliquer comment débuter, en fait, et te lancer, en fait. Ça va t'aider à trouver la motivation pour te lancer. Ah, je crois que tu le partages avec chez Mec, hein, qui était très intéressé par la partie immobilier, lui aussi. Ouais, il m'a déjà envoyé des... des petits dèbres. Ça m'étonne pas. Très bien. Eh bien, écoute, on arrive déjà à la fin de l'épisode, mon cher Lounet. Et comme à chaque fin d'épisode, je demande toujours à l'invité une recommandation d'un joueur francophone qui l'intéresserait d'entendre dans ce Push to Talk. J'en ai déjà eu presque une dizaine. T'es le 9e épisode déjà. Est-ce que tu penses à un joueur en particulier? Alors, ou un joueur, ou manager, ou coach, hein, tu sais, t'as de la place. Ouais, moi je pense à un joueur et pourquoi pas un autre. Ok. Donc le premier, ça serait Swaz, bah, par rapport à son parcours. Ouais. Genre, il a vraiment tout vécu depuis le début, il joue depuis aussi longtemps que moi, donc il est toujours resté pro. Mm-hmm. Donc c'est ça que je trouve assez impressionnant, en fait, c'est que le mec a jamais rien lâché. Il a eu des hauts et des bas dans sa carrière et je pense que c'est vraiment intéressant de l'interviewer, justement. Ouais. Et le deuxième, ça serait Moops, parce que bah, justement, c'est un ami à moi et il joue aussi depuis très très longtemps au jeu, même s'il n'a pas une aussi grande carrière bah, justement que Swaz et les autres qui jouent encore. Il a participé au LCS. Il a participé au LCS. Il a jamais brillé en mode, tu vois, gagner les LCS ou quoi. Mais il a toujours été là, tu vois, depuis le début. Il est assez âgé maintenant. Enfin, il a un an de plus que moi. Donc, voilà. Ça... Et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, même s'il est un peu timide. Je pense que, justement, ça pourrait être bien de l'interviewer parce que, à mon avis, il a beaucoup de choses à dire sur ce qu'il a vécu sur League depuis le début, quoi. Ouais, bah écoute, il est target depuis 2012, hein, depuis que vous avez joué ensemble la Gamer Assembly que vous avez remporté avec I'm So Fresh, Lilumi et Kikis. Ça avait été un moment assez fou pour moi, parce que je découvrais ça à l'époque depuis la GA. Et c'est vrai que bah c'était à l'époque il jouait mid et toi tu jouais support, aujourd'hui lui joue support et c'est vrai que bah c'est un super gars, il fait partie de mes targets mais tout va tranquillement hein, dans Push to Talk un par semaine et surtout Moops bah il faut qu'il ait sa nouvelle situation aussi, j'aimerais bien pouvoir parler de son projet de l'année et, donc pour ça j'attends de savoir quand il aura signé, s'il re-signe avec son équipe actuelle ou s'il va ailleurs. Merci Lounès, c'était très cool. Honnêtement, c'est trop bien de pouvoir faire un format où il y a à la fois le côté joueur, à la fois le côté manager, parce que c'est pas le cas de gens que j'ai eu jusque-là. Ça ouvre enfin mon format à d'autres choses que juste des joueurs. Il y en aura d'autres, hein, des coachs, des managers, des créateurs de structures dans les épisodes suivants. Mais je comptais t'avoir depuis assez longtemps, parce que tu fais partie des tout premiers, comme on a pu le voir, à avoir joué sur la scène compétitive. T'es passé par la scène française, à la différence de Cabochard que j'ai eu la semaine dernière, par exemple, qui a tout de suite commencé sur le niveau européen et t'as fait quand même montre de pas mal d'abnégation pour pouvoir revenir sur la scène en 2014 puis maintenant avoir ce rôle de management et c'est cool de l'aborder avec toi, on se voit souvent et c'est cool de pouvoir prendre un temps dédié quoi, donc merci pour ça. Je te laisse faire les cartons des lieux actuels pour pouvoir vous installer tranquillement à Lyon et je te souhaite une super fin de journée, ciao. Merci. Push to Talk épisode 9, c'est terminé. Merci à Lounet d'avoir participé à ce nouvel opus. Je trouve ça super cool son profil parce que à la fois il a été joueur et aujourd'hui dans un rôle plus de management. Et justement, ça ouvrira un peu les horizons de Push to Talk sur les prochains épisodes. Parce que aujourd'hui, on était très centré sur les joueurs. Et comme vous le voyez avec Lounet, eh bien, on a la possibilité maintenant d'ouvrir un peu les horizons. Donc, stay tuned pour les prochains épisodes. Et on se retrouve pour l'épisode 10 déjà. Et oui, ça va aller très vite, les Push to Talk, la semaine prochaine. Donc, je vous dis bonne journée à tous et à bientôt.